L'Institut des Affaires internationales de la République populaire démocratique de Corée a publié le 21 février un acte d'accusation titré « Dénonciation de l'état des droits de l'homme au Japon, pays criminel des droits humains ». Il a dénoncé l'état pitoyable des droits de l'homme au Japon avec les sous-titres suivants. 1. Les droits fondamentaux des habitants bafoués à la politique vicieuse des autorités. 2. La vie misérable des bas-fonds de la société. 3. Le toundra à la discrimination raciale et à l'humiliation chauviniste de longue date. 4. La répression des droits des ressortissants coréens au Japon, paroxysme du chauvinisme national. Il a ajouté. Si le Japon parle sur la scène internationale des droits de l'homme dans un tiers pays, c'est à partir de l'intention absurde de faire tomber dans l'oubli à jamais ses crimes inouïs commis contre l'humanité dans le passé et de dissimuler sa violation des droits de l'homme. Tous les hommes de conscience attachés à la justice pour qui sont précieux la dignité et les droits de l'homme doivent se montrer vigilants, exercer une sanction requise et infliger une punition au Japon, pays criminel des droits de l'homme.